Les bêtes que j'aime. Le coq. Un petit coq au jardin ouvre le maïs, pique les grains. Il danse un peu par terre avant de se mettre à chanter. Il rentre le cou comme pour avaler et il crie très fort un drôle de chant qui a l'air en colère. Et tout de suite après, il se met à manger, à manger, à manger, à manger, à manger, à manger, à manger. Ma chèvre. Avec son air bête et doux, j'ai envie d'embrasser sa barbe, d'enrouler mes bras autour de son cou et de lui dire tous mes secrets. Madame la tortue. Marches-tu lentement sur le bout de tes ongles? Si je te donne de la salade, auras-tu encore peur de moi? La souris grise. On dirait toujours qu'il boite, le canard de la mare, quand il marche sur la terre en cherchant des petits vers. Mais quand il nage, qu'il est joli, et quand il plonge, on ne voit plus que sa queue comme un chapeau pointu. Il parle comme une automobile, il dort bien au chaud dans ses plumes. Il est petit et rond et blanc et doux. Il mange de l'herbe, du pain, du sucre, des choux. Il a des yeux tout rouges, des griffes, une queue. Il a de grandes oreilles, mon lapin russe. Le dindon. Il étale sa queue, il relève sa crête. d'Inde. Quand ils ont fini leur salade, ils rangent toute la journée, en remuant leur petit nez, bien assis sur leurs petites pattes. Quelquefois pour nous regarder, ils lèvent la tête et les moustaches, les cochons d'Inde tricolores. Ils crient comme un petit réveil, comme une mante bien remontée. Ils savent toujours dire, donnez-nous encore à ranger. Ils savent toujours dire, donnez-nous encore à ranger, à ranger, à ranger, à ranger. Chien blanc et chien noir. Avant j'avais un chien blanc comme un bol de lait. Maintenant j'ai un chien noir comme un tas de charbon. Mais maintenant comme avant, mon chien noir et mon chien blanc aboient, se grattent et courent après les chaussures et les chats. Aboient, se grattent et courent après les chaussures et les chats. Quand je dis leur nom une fois, ils sautent tout autour de moi. Et quand je vais me promener, ils pleurent pour m'accompagner. Ils pleurent pour m'accompagner. Le petit mulot. Un très petit mulot trotte le nez au vent, quel drôle de museau. Moi je le trouve beau, ce très petit mulot qui passe en éternuant. Et pour toi qu'est-ce qu'il dit? Toujours le même mot, tri tri tri tri tri tri, ce n'est pas amusant. Pouf le voilà caché au fond de son abri, et l'air qui a bougé a avalé son cri. Le moineau. Je connais un moineau qui se pose par terre, tout à côté du pain où je vais m'amuser. Quand je prends mon goûter, il commence à sauter, à pencher de côté sa petite tête ronde. Cui cui, cui cui, cui cui, cui cui, cui cui, cui cui, cui cui, cui cui, cui cui, cui cui. Il fait rire tout le monde. Il crie une fois, deux fois, et après il s'arrête. Alors je lui lance des miettes. Cui cui, cui cui, cui cui, cui cui, cui cui, cui cui, cui cui, cui cui, cui cui, cui cui. Le gros crapaud. Le gros crapaud s'ennuie tout seul. Le projet.